De l'année du séminaire les politiques des sciences, on a décidé de revenir sur la question des financements qu'on avait déjà abordé l'année dernière au travers d'un séminaire consacré exclusivement à la question de l'ANR. On avait vu se confronter deux points de vue, les uns avançant l'idée que l'ANR offrait de nouveaux financements, en particulier aux équipes SHS et en particulier encore aux équipes SHS universitaires, financements qui lui manquaient jusque-là, d'une part, et d'autre part, elle offrait également des opportunités d'emploi à court terme, sous forme de post-doctorat, aux jeunes chercheurs sans poste. À l'inverse, d'autres soulignaient que l'ANR était peut-être un instrument mobilisé par le gouvernement afin de mettre en pièces les structures traditionnelles de financement de la recherche publique, d'une part, et d'autre part, ont introduit massivement une précarisation de l'emploi, ainsi que certaines formes d'allégeance au sein des équipes de recherche. Aujourd'hui, nous voulions reprendre cette question des financements, toujours en proposant à des personnes qui défendent des points de vue variés, voire opposés, de présenter la question du rôle des financements sur les contenus de la recherche. Pour cela, donc, on a invité quatre intervenants. Dans l'ordre de présentation, il s'agit de Marc Lipinski, chercheur CNRS en biologie, mais qui intervient ici au titre de vice-président de la région Île-de-France en charge des dossiers de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, qui interviendra donc sur les politiques de financement de la recherche publique par la région Île-de-France, ses particularités, notamment en regard des financements sur projet de l'État national. Ensuite, interviendra Gérard Lenclus, anthropologue, un double titre, si j'ose dire. D'une part, à partir de son expérience passée au sein des instances scientifiques du CNRS et de son expérience actuelle au sein des programmes de l'ANR. Ensuite interviendra Jean-Charles Lourcade, économiste, qui spécialise des questions du climat, du développement soutenable, et qui de longue date est confronté au financement public, différents types de financement public, nationaux, régionaux, internationaux, mais aussi à différents types de financement privé, notamment de la part d'entreprises françaises. Enfin, Alain Trautmann, que l'on connaît évidemment pour son combat et sa participation au mouvement Sauvons la Recherche, immunologiste, interviendra sur les recompositions institutionnelles des sciences de la vie et sur les nouveaux rôles attribués aux sciences de la vie, notamment sur, on pourrait dire, une certaine forme d'externalisation annoncée par l'industrie pharmaceutique vers les centres de recherche publics spécialisés en sciences de la vie. Donc je ne vais pas développer davantage, nous avons peu de temps. Chaque intervenant interviendra de 15 à 20 minutes, de quoi laisser la place au débat entre eux et avec la salle dans la deuxième partie de la séance.